Anakin. C'est Mozart, capitaine Jackson. Five. C'est Porte de Saint-Ouen alors. Dès que j'arrive en dirait une bécane, brr. J'aime que la Cali, je suis vegan, hein. Nous c'est le rap que l'on kidnappe, je suis instrumental comme Jason Statham, hein. T'auras la paix si tu nous payes bien, elle tombe amoureuse si tu la baisses bien. Je suis comme Pirlo au milieu de terrain, je veux tout, tout, tout, je suis parti de rien. Entre nous c'est toxique, c'est pour ça que quand le vrai c'est magique. C'est ta vie qui défile en un clic, j'ai même pas besoin de ramener les mecs matiques. Plus c'est bon, plus ça pique, que la choix passe au building. La vie c'est pas facile, que je fasse que mon fils devienne pas flic. On enchaîne les débits sans cesse, remonter la frappe d'Espagne sans stress. Je suis pas trop stressé, paillette, il faut brasser à mort et tailler. Ils sont venus broliquer, tout on est venu broliquer. Winterfell, Cosa Nostra, pour les ennemis, aucune pitié. Passe l'hiver à Marbella, t'es en train de cailler dans la cahier. Parisien comme Mbappé, qui Kimpembe, genre qu'on y connaît. C'est dans le mille que je frappe, c'est grâce à ta meuf qu'on chope. Ce qu'on vit, c'est pas des blagues, mon pote, qu'on peut pas louper le coche. Ils veulent ma CB, mon buzz, ma life. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide si jamais ça part en live. Merci. Au Pinel long comme un sabre. Si je prends pour Superman, c'est l'épisode 2. Allume ton joint bleu et mets du son dans tes engins. Je réfléchis comme Fantin Saint. J'ai un empire à bâtir. Y'a des limites à pas franchir. Si tu veux pas ta vie sera raccourcie. Dans mon putain de crâne, on est plus que 6. Quand je suis sous votre cas, on est plus que 12. Même un océan d'amour ne pourrait pas stopper la reggae. Il reste du sang sur mes rebés. J'investis le bénéfice dans la reggae. Ta cam, c'est pas d'arrebus. Viens nous voir si tu veux d'arrebus. Quand je suis près du but, je n'échoue pas. Je bois, je fume, je rentre dans la Binta. Mozart, capitaine, épisode 2. On va tous goûter à l'épreuve du feu. C'est Mozart, capitaine Jackson. J'arrive en direct, une bécane brûle. J'arrive en direct, ça mitraille brûle. J'ai les mignons de mon portable brûle. Elle a un caveau incroyable brûle. J'arrive en direct, une bécane brûle. J'ai les mignons de mon portable brûle. Entre nous, c'est toxique, ça l'excite. Arme que trop con n'exhibe. Baby, fais ça bien, fais ça bien. Faire beaucoup de matchs, tu touches mon pain. Entre nous c'est toxique, ça l'excite. Arme que trop con n'exhibe. Baby fais ça bien, fais ça bien. Je veux te faire beaucoup de matchs, tu touches mon pain. C'est Porte de Saint-Ouen là. Beaucoup de matchs. Je veux te faire beaucoup de matchs. C'est Porte de Saint-Ouen là. Épisode 2 mon ami. Let's go. MSU, FA2Z, Tashlim, Kepler Roseille, tu vois ou pas? Snowbill, Zebek, Bozo, Chroma, c'est Porte de Saint-Ouen là. Josmo, Mafia, Papino, Mitch, tu vois ou pas? Écoute ça un peu, le chat, écoute ça un peu. Le monde nous appartient.